tard du matin pour avoir des billets green et purple. On passe du marron à la white, change de couleur à la cartel. Autant de service à mon actif qui fait derrière mon fils ou Novak. Hey. La recette du jour est coffrée sous mon parka. J'attends pas qu'on fasse la passe pour marquer des buts. Dans ton équipe paye avec des gueches et des putes. Des négros bannis, des suceurs de bites. J'suis pas bricoleur, j'ai les vis de la rue. Junka m'a dit qu'à Fushi des classiques. La haga ça pèque et si j'prends ton liquide. C'est toi contre moi, ramène pas ton équipe. Je vais côté la salle pour me prendre un fusil. Le Cavida tout est easy, la peau frappe du Maroc. Khalid chromé. Passe à coup de fil, c'est un souci enfoiré. Sous des comme Yaya et Colo. Toujours sur leur intérêt comme Gérard. Les autorités ne savent pas que j'ai l'arme de guerre coffrée sous mon calbar. Cité Rougeur et c'est 150. Passer sous le Porsche pour un gros 50. Warren dealer que c'est pas ta vont parler de blocs bâtards qui pourront pas me descendre. J'fais les choses carrées. J'arrondis mes fun moi. J'veux quitter l'hexagone. Si j'fais du bénéfice, papa payer les impôts. Qui veut de la moula? Négro ça fume que la moula. Mais qui veut de la moula? Mais négro ne fume que la moula enfoiré. Qui veut de la moula? Négro ça fume que la moula. Mais qui veut de la moula? Mais négro ne fume que la moula enfoiré. T'as fumé ma moula, t'as toussé. T'as fumé ma moula, t'as toussé. T'as fumé ma moula, t'as toussé. T'as fumé ma moula, t'as toussé. Qui veut de la moula? Enfile ta paire de TN, rassemble en train de faire ma boulaye. Négro me voilà pour me soninquer, dire un qu'est mes boulards et mes doulas. J't'ai promis en fit mais j'ai menti. J'ai dit que t'étais beau mais t'es pourri. Frérot t'as même pas les 300 vues sur YouTube. Même si tu fais ton feat avec Jay-Z. Paris c'est miné de tout part. CR je reste 50 tu le connais. Fuck la 313, fuck la RHA. Fuck la 807, nique la meilleure collègue. J'fais mon oseille, j'y m'en bavis. J'perds des potos car la confiance ça va vite. Salam, j'compte sur personne sauf la famille. J'ai même fumé moi n'est jamais à l'abri. J'mande à bureau ou à Samu. Fais pas ta balance et t'as pas de sous. Tous les week-ends le cash on perd des anneaux. Tu dans ton frigo y'a du beurre et du bourreau. La concurrence est boutou. J'vois la vedette face moins gay des jaloux. La flow il est trop jamourou. Aucune dégaine comme Kata sur un boutou. Ça kick de la rue jusqu'à Jaurès. Standing gratuit il s'est cambré. Bah qui dit là que ces bâtards ne pourront jamais faire de l'ombre à la lumière. Le quartier va signer chez Nikon. Serveuse de moulin en photo. Un réseau sur le polo. J'ai déjà commencé autant terminer le boulot. Qui veut de la moula? Négro ça fume que la moula. Mais qui veut de la moula? Mais négro ne fume que la moula enfoiré. Qui veut de la moula? Négro ça fume que la moula. Mais qui veut de la moula? Mais négro ne fume que la moula enfoiré. T'as fumé ma moula, t'as toussé. T'as fumé ma moula, t'as toussé. T'as fumé ma moula, t'as toussé. T'as fumé ma moula, t'as toussé. Qui veut de la moula? Négro ça fume que la moula. Mais qui veut de la moula? Mais négro ne fume que la moula enfoiré. T'as fumé ma moula, t'as toussé. T'as fumé ma moula, t'as toussé. T'as fumé ma moula, t'as toussé. T'as fumé ma moula, t'as toussé. T'as fumé ma moula, t'as toussé. T'as fumé ma moula, t'as toussé. T'as fumé ma moula, t'as toussé. T'as fumé ma moula, t'as toussé. T'as fumé ma moula, t'as toussé. T'as fumé ma moula, t'as toussé. T'as fumé ma moula, t'as toussé. T'as fumé ma moula, t'as toussé.